Je ne sais plus parler, écrire, même pleurer, même dormir. Je sais plus même donner ma main à mes amis fidèles. Je ne sais plus quoi lire dans le ciel. Reviens, reviens, reviens. Je ne sais plus me désirer, caresser, embrasser. J'ai plus que des plein de chagrin. Je suis plus rien, je sais plus aimer. Reviens, reviens, reviens. Qu'est-ce qui m'arrive? Je me serais jamais cru perdu, et j'ai même été fautive. Je voulais pas être captive, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai pas vu que tu me voyais plus, j'étais pas sur le qui-vive. Je me suis brûlée vive, comme certains venus de loin. Toi, tu viens. Et comme absent, j'ai plus de force, j'ai plus d'écorce. Reviens, reviens, reviens. J'ai plus de force, j'ai plus d'écorce. Reviens, reviens.